بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 110 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم de Cheikh الإسلام ابن تيمية رحمه الله et avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. طيب. Donc on commence inshallah. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah il dit وَلِمِثْلِ هَذَا تَرَدَّدَ كَلَامُهُ فِي الْقَوْسِ الْفَارِسِيَّةِ قَالَ الْأَثْرَمُ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَوْسِ الْفَارِسِيَّةِ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ قسي العرب قسي الناس العربية قسي الناس العربية ثم قال إن بعض الناس احتج بحديث عمر بجعاب وأدم جعاب وأدم أو أدم يعني قلت وحديث أبي عمرو ابن حماس قال نعم قال أبو عبد الله يقول فلا تكون جعبة إلا للفارسية والنبل هو فإنما هو قرن وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد قلوبنا في أكنة قال كالجعبة للنمل للنبل قال فإن كان يسمى جعبة لنيل فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء ثم قال ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية وقال أبو بكر قيل لأبي عبد الله الدراعة يكون لها فرج فقال كان لخالد ابن معدان دراعة لها فرج من بين يديه قدر ذراع قيل لأبي عبد الله فيكون لها فرج من خلفها قال ما أدري أما ما بين يديها فقد سمعت أما من خلفها فلم أسمع قال إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ثم قال الأثرم قلت لأبي عبد الله واحتج بهذه الآية بعض الناس في القوس الفارسية ثم قلت إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة لهم في القوس العربية وإنما النكاية عندهم للفارسية قال وكيف وإنما فتحت الدنيا بالعربية قال الأثرم قلت لأبي عبد الله ورأيتهم بالثغر لا يكادون يعدلون بالفارسية قال إنما رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عربيا وروى الأثرم عن حفص بن عمرو بن عمر حدثنا رجاء بن مرجى حدثني عبد الله بن بشر عن أبي راشد الجراني وأبي الحجاج السكسكي عن علي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على قوس له عربية إذ رأى رجلا معه قوس فارسية فقال ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القناء فبها يؤيد الله الدين وبها يمكن لكم في الأرض. Bon, tout ça c'est un long passage à propos de certaines appellations par rapport à l'utilisation de certains termes et de certains noms et le fait que Yani, ce ne soient pas des noms, par exemple, qui soient arabes, ou bien en parlant de l'arc aussi, l'arc qui est arabe et l'arc perse. Donc on va voir qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué de ça pour comprendre un peu plus en détail les explications à ce sujet-là. Il dit « قوله لمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية فهذه أيضا لمسائل الاستطرادية فالمقصود إذا كان هناك سلاح يستعمله الكفار وآخر يستعمله المسلمون والسلاح الذي يستعمله المسلمون يؤدي الغرض المطلوب فلسنا بحاجة إلى أن نستعمل سلاح غير المسلمين لأن الله أغنانا بسلاحنا ومن ذلك القوس الفارسية أو القوس العربية فالإمام أحمد في ظاهر كلامه يميل إلى أن نستعمل القوس العربية ما دامت تؤدي الغرض المطلوب لأننا إذا استعملنا القوس العجمية تشبهنا بهم في ذلك من غير حاجة. Donc le Cheikh il explique que la question au sujet de l'arc, est-ce qu'on peut utiliser les arcs perses ou les arcs arabes? À l'époque, il y avait différence entre les arcs perses et les arcs arabes. Donc, l'imam Ahmad, il hésitait par rapport à cette question-là, mais il préférait qu'on utilise les arcs arabes. Donc, il dit ça fait partie des questions, parce qu'on est toujours en train d'expliquer les positions des quatre imams parmi les imams des madahib. On a expliqué les positions de l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, et là on cite les paroles de l'imam Ahmad et des fuqaha de ce madhab, comme Al-Athram et d'autres également. Donc ici il mentionne la question d'utiliser les armes des kuffars. Et il dit que si par exemple il y a des armes qui sont connues comme étant les armes que les kuffars utilisent, et que les musulmans eux aussi ont des armes, et que ces armes que les musulmans utilisent, ils remplissent le même objectif, et ils sont aussi efficaces, alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'utiliser leurs armes, hein, l'arme des non-musulmans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné nos propres armes. Et il dit, et de l'exemple qu'il mentionne ici de l'arc perse ou de l'arc arabe. Certains posaient la question, est-ce qu'on peut utiliser les arcs des perses à l'époque de l'imam Ahmad? Et l'imam Ahmad, dans le sens apparent de qu'est-ce qu'il a expliqué, c'est qu'il préférait qu'on utilise les arcs arabes. Du moment que ça amenait au même résultat et que ça donnait le même objectif. Et donc, il considérait que d'utiliser les arcs des kuffars, c'était comme si on essayait de leur ressembler, sans qu'il y ait besoin. Mais il n'y a pas de doute que il n'y a pas de mal d'utiliser un moyen comme ça, un moyen technique, que ce soit un arc ou les armes actuelles, les armes modernes, que ça vienne des non-musulmans ou des musulmans. Les ulama, ils permettent de les utiliser. Sauf qu'ils expliquent que si, par exemple, il y a quelque chose que les musulmans eux-mêmes, ils ont fabriqué et qu'ils utilisent, et que c'est quelque chose de bon et de qualité, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'utiliser ceux des kuffars. Malheureusement, peut-être qu'on est en retard un peu sur ce plan-là dans l'époque actuelle, mais disons que ça ne veut pas dire que les musulmans ne sont pas capables, parce que les arcs arabes sont connus. Même à l'époque, si on regarde par exemple, il y a pas longtemps, je faisais des recherches sur les arcs et le tir à l'arc, et puis on parle des arcs arabes, et que leur forme était vraiment courbée comme ça, et puis ça faisait que la flèche qui était tirée avec cet arc-là était vraiment plus envoyée avec beaucoup plus de force, et puis elle pouvait aller beaucoup plus loin que les arcs droites, hein, ou bien en courbé, mais pas parce qu'il y a une double courbe dans les arcs arabes comme ça, hein, tandis que les autres c'est juste une seule arc comme ça. Donc, les spécialistes que cet arc-là, elle est supérieure, elle est plus puissante. Et donc, ils ont copié maintenant ce style-là, même dans les arcs modernes. Hein, ils ont fait une double courbe comme ça. Et puis, ça fait en sorte que quand tu tires et quand tu lâches, ça donne plus de puissance à la flèche. Donc ça c'est des exemples aussi. Et il dit wa qawluhu wa qala Abu Bakr qila li Abi Abdullah قيل لأبي عبد الله الدراعة يكون لها فرج المقصود بالدراعة الجبة أو القباء الذي يلبسه الإنسان ليستدفئ به فيكون من الصوف عادة وكان يكون فيه فرج من أمامه أو عن جانبيه لأجل التوسعة عند المشي وعند الجلوس وهذا لا إشكال فيه لأن هذا كان موجودا في لباس العرب وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإشكال عند الإمام أحمد أنه إذا كان لها شق من الخلف ففي هذا يقول لا أعرف عن فيه شيئا يعني أنه توقف رحمه الله. Donc ici la question c'était à savoir à propos de qu'est-ce qu'on appelle ad-darra'a. Ad-darra'a, c'est un vêtement, c'est comme un manteau. Et ce manteau-là, le cheikh il explique que c'est aussi appelé jubba, et on peut aussi l'appeler al-qiba. Et c'est ce qu'on porte dans le but de se réchauffer. Et parfois c'est en laine. Habituellement c'est en laine. Et il dit que il y a parfois une ouverture par le devant, ou bien des fois c'est sur les côtés. Et c'est dans le but qu'il y ait une ouverture sur les côtés pour que lorsqu'on marche ou lorsqu'on s'assoit, que ce soit plus confortable. Et donc, il disait, il n'y avait pas de mal à ça, et c'est un vêtement qui existait chez les Arabes et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a porté lui-même. Sallallahu alayhi wa sallam. Le problème pour l'imam Ahmed, c'était seulement si l'ouverture était par derrière. Et donc, il disait, je connais rien à ce sujet-là. En voulant dire qu'il s'est abstenu de répondre sur cette question par rapport à l'ouverture derrière. Et il dit, وَلَمَّا قِيلَ لَهُ الدَّرَّاعَ. Même le terme darra'a, il est encore employé aujourd'hui. Si vous allez par exemple en Mauritanie, le vêtement que les Mauritaniens portent, qui s'ouvre comme ça sur les côtés et qu'ils mettent sur les épaules, là, eh ben, ils l'appellent darra'a. C'est comme un genre de boubou, là, avec des grandes ouvertures sur les bras, mais ils appellent ça darra'a aussi. Mais peut-être que c'était pas nécessairement la même chose à l'époque. Et donc il dit ici, وَلَمَّا قِيلَ لَهُ الدَّرَّاعَ يَكُونُ لَهَا فُرَجٌ قَالَ كَانَ لِخَالِدٍ إِبْنُ مَعْدَانٍ دَرَّاعَ لَهَا فُرَجٌ بَيْنَ يَدَيْهَا قَدْرَ ذِرَاعٍ وَقَالَ خَالِدٌ خالد بن معدان من الأئمة هذا من الأئمة المحدثين ومن الزهاد والأتقياء وكان ثقة وقوله ما أدري يعني أما من بين يديها فقد سمعت وأما من خلفها فلم أسمع يعني أن الإمام أحمد يقول لم أسمع أن الدراعة يكون لها فروج من الخلف ولكن نظرا لأن هذا أوسع له يعني كأنه يتسامح في ذلك نظرا لأن فيه مصلحة ولم يثبت عنده ما يخالف هذا الشيء. Donc الدراعة ils ont posé la question est-ce qu'elle a des ouvertures, est-ce qu'elle a des fentes, des ouvertures, puis ils ont demandé, ils ont dit, il a répondu l'imam Ahmad que Khalid ibn Ma'dan il avait une darra'a qui avait des ouvertures et des fentes par devant, et c'était de l'ouverture d'une longueur d'une coudée à peu près. Et donc Khalid ibn Ma'dan il fait partie des imams, des savants de hadith et des gens pieux, et il était fiable dans le hadith. Et il dit que l'imam Ahmad, lui, il a dit, je sais pas, par devant j'ai entendu quelque chose là-dessus, mais par derrière j'ai rien entendu, les ouvertures. Donc il a dit, l'imam Ahmad, donc qu'il a pas entendu par derrière. Donc il a dit que s'il y avait un bienfait, dans ce cas-là, il l'a permis. Il l'a permis, parce qu'il y a rien qui lui était authentique de ce qui contredit ça. Il dit وقوله وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى واعد لهم وهذه الآية عامة، وقد سبق الكلام في القسي الفارسي، وأن الإمام أحمد يحذب الاقتصار على القسي العربي العربية، واحتج بعضهم بهذه الآية على جواز استعمال القسي مطلقا بالعجمية ولغيرها لعموم قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فكل ما فيه قوة فإنه يعد دون نظر إلى كونه من أسلحة الكفار أو غير أو غيرهم. Donc ici le cheikh il dit que certains ils ont utilisé comme preuve pour justifier l'utilisation des arcs et des armes des Perses ou des Arabes, peu importe l'origine, sur le verset qui dit: et préparez pour eux ce que vous pouvez comme force. Donc dans sourate Al-Anfal. Et ils ont dit que, yani, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset de préparer qu'est-ce que vous pouvez comme force, eh bien ça c'est sans tenir compte que ce soit arabe ou non arabe, ou que ce soit les armes des kuffars ou d'autres, c'est pas grave. Il dit: وقوله وقال الأثرم واحتج بهذه الآية بعض الناس في القوس الفارسية وسلف الحديث أن الإمام أحمد كان يكره القسي العربي الفارسية لأن عندنا ما يغنينا وهي القسي العربية فاحتج عليه بعضهم بأمرين: الأمر الأول عموم قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وهذا يشمل أي قوة. والأمر الثاني أن أهل المشرق من المسلمين كانوا يقاتلون بالقسي الفارسية ويقولون إنها أمضى من القسي العربية، ولكن الإمام أحمد أجابهم بأن الدنيا فتحت بالقسي العربية، فالقسي العربية تكفي، والغرض من هذا كله سد باب التشبه بالكفار مهما أمكن ذلك. Donc c'est ça, il ramène la question à propos des arcs. Certains parmi les compagnons de l'imam Ahmad ou ceux qui étaient avec lui, qui discutaient de ce sujet-là avec lui à propos des armes, et ils ont ramené comme argument contre la position de l'imam Ahmad, la première c'est le verset qu'il a cité: préparez contre eux ce que vous pouvez comme force. Et l'autre preuve qu'ils ont ramené, c'est le fait que les musulmans en Orient, ils ont combattu avec les arcs perses. Et yani, en voulant dire que ils ont dit que c'était plus puissant, plus fort que l'arc arabe. Et l'imam Ahmad leur a répondu en leur disant que c'est avec toutes les conquêtes ont été faites avec les arcs arabes à son époque. Donc ça suffit. Il dit c'était suffisant et ça remplit le besoin qu'on a. On n'a pas besoin. Donc le but c'était comme pour dire fermer la porte à l'imitation des kuffars si c'est possible, tant que c'est possible. Et il dit: وقوله بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ. Donc il rapporte ce hadith, il dit: وهذا الحديث دليل لأحمد لو ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ على قوس عربية فرأى رجلا يتوكأ على قوس فارسية فأمره بإلقائها لأنها ملعونة، يعني بعيدة من رحمة الله، لا أن اللعنة تقع عليها ولكن لأجل أصحابها الكفار، وقد تؤثر اللعنة في الدواب وفي البقاع وفي الجمادات إذا نزلت على الملعونين والعياذ بالله، فالمعنى أن يتجنبها لأنها قد تأثرت بلعنة الله على الكافرين. نظرة regardez. Oui. Mais ça peut aussi vouloir dire autre chose, ça dépend du contexte. فيه نظر. C'est-à-dire que quand on dit فيه نظر, ça veut dire يعني c'est pas certain, يعني c'est pas, il y a des, c'est pas clair. فيه نظر. Faudrait qu'on vérifie, ça veut dire, hein. Ouais, c'est ça. Donc ce hadith à propos de l'arc, parce qu'il a cité ici un hadith, et le hadith en question s'est rapporté par Al-Athram Non. En tout cas, il dit ici, selon Ali radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était appuyé sur un arc arabe. Il s'accotait sur un arc arabe et puis il a vu un homme avec un arc persan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, jette-la parce qu'elle est maudite. Hein? Et utiliser les arcs arabes. Et il leur a dit d'utiliser des lances et il leur a expliqué quelles armes utiliser. Puis il leur a dit, Allah va supporter par cela la religion. Et c'est par cela qu'il va vous donner le pouvoir sur la terre. Et le hadith en question, il semble, ici, Cheikh Al-Albani, il dit dans Mishkat al-Masabih qu'il est da'if jiddan, donc il est très faible. Et dans d'autres narrations, c'est ça. Le hadith, il n'est pas sahih. Il y a des gens qui sont inconnus dedans, ou qui sont des rapporteurs qui sont faibles dedans. Non, donc c'était juste pour vérifier ça, pour être sûr, là, parce qu'il n'y a pas de, dans le livre, ils n'ont pas mis aucune référence pour ce hadith-là. Donc j'hésitais par rapport à son authenticité. Et maintenant j'ai vérifié, donc semblerait que c'est très faible comme hadith. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique que par rapport à ça, que quand il a dit qu'il a vu donc un homme avec ce genre d'arc, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'elle était maudite, et c'est-à-dire qu'elle était loin de la miséricorde d'Allah, parce que quand quelque chose est maudit en arabe, la'na, ça veut dire qu'elle est éloignée de la miséricorde d'Allah. Et il dit c'est par rapport aux gens qui les utilisent, les kuffars qui les utilisent eux-mêmes sont maudit, donc, étant donné que parfois il dit que la malédiction peut également toucher les montures, les lieux et les objets inertes aussi peuvent être maudits. C'est pas seulement les personnes. Et il dit فَالْمَعْنَا يَتَجَنَّبَهَا. Donc la signification, c'est de s'en écarter, car elles sont affectées par la malédiction d'Allah contre les mécréants. Il dit donc, si ce hadith est authentique, hein, ce serait un argument tranchant dans cette question-là. Il dit toutefois, hein, toutefois, on a vérifié, puis le hadith en question, il n'est pas authentique. Donc ça ne peut pas être utilisé comme une preuve dans cette question-là. Et donc il a dit, le cheikh, qu'il n'y a pas de doute que si on est capable de se passer des armes des koufars, si les musulmans sont capables de se passer des armes des koufars, dans ce cas-là, c'est le mieux. Hein? Et si, oui, c'est ça, si les armes, les musulmans, ils ont eux-mêmes des armes qui sont assez puissantes et qui sont capables de frapper l'ennemi fort, alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin, dans ce cas-là, des armes des koufars. Toutefois, il y en a. Pas de mal de les utiliser si c'est nécessaire. Il dit wa qala li ashabiha fi al-Qaws al-Farisiyya wa nahwiha kalam tawil laysa hadha mawdu'uhu wa inma nabbahtu bidhalika ala anna ma lam yakun min hadi al-muslimin bal huwa hadi al-ajam aw nahwihim wa in dhaharat fa'idatuhu wa waddahat منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين دليل ملازمة الهدي الأول ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة مع أنه ليس من العبادات وتوابعها وإنما هو من الأمور الدنيوية. Donc le cheikh, il explique la raison pour laquelle il a mentionné cette question. Il dit que donc nos compagnons, c'est-à-dire les compagnons du madhhab al-Hanbali, parce que l'imam Ahmad, l'imam Ibn Taymiyyah, il est Hanbali dans le madhhab. Donc il dit nos compagnons, à propos de l'arc perse, ils ont ce genre de paroles hein, c'est ce genre de discussion très longue. Hein, donc, et il dit, c'est pas le lieu maintenant pour en parler. C'est pas le moment maintenant dans ce livre de rentrer dans les détails de cette question-là. Le but, c'était uniquement de faire comprendre et de porter l'attention sur un point. C'est que lorsque quelque chose ne faisait pas partie de la pratique et de la guidance des musulmans, et que ça faisait partie des traditions ou des coutumes ou des actions des koufars, des mouchriquins, il dit que quand il y avait ce genre de choses, de questions, et qu'on voyait qu'il y avait dans leurs objets ou dans leurs armes des choses de ce genre, des choses qu'eux ils ont inventées, des bienfaits, des choses bénéfiques, qui sont clairement bénéfiques, il dit, on voyait que parfois il y avait une hésitation ou comme si il hésitait et il divergeait sur l'utilisation de ces objets-là ou de ces choses-là. Pourquoi? À cause de l'opposition de deux preuves. La première preuve, c'est le fait de rester sur la première exemple, la première guidance de l'islam qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les premiers musulmans suivaient. Puis l'autre preuve, c'est l'utilisation de ce qui est bénéfique en lui-même et dans lequel il n'y a aucun méfait, aucune chose nuisible. Et surtout que ça ne fait pas partie des actes d'adoration ni des choses reliées aux adorations, mais que ça ne fait que partie des choses de la dunya. Donc malgré ça, ils divergent à son sujet ou ils hésitent à son sujet, ils ne veulent pas le permettre ou l'accepter du premier coup. Et donc c'est pour dire que dans ce cas-là, ça prouve que l'imitation des koufars, c'est quelque chose que les ulama ils détestaient à ce point-là, tu vois, au point même de vouloir interdire quelque chose qui est bénéfique et dans lequel il n'y a aucun méfait, mais du simple fait que ça ne fait pas partie de ce que les musulmans ont utilisé. Donc ça vient supporter encore une fois un argument supplémentaire pour établir la preuve de l'interdiction d'imiter les koufars et les mouchriquins. C'est-à-dire, c'est un argument supplémentaire ou un point supplémentaire sur cette question-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là en disant « تقدم أكثر من مرة ذكر أن الواجب مخالفة غير المسلمين فيما هو من عباداتهم وكذلك ما هو من عاداتهم الخاصة بهم لأن التشبه بهم في ذلك يجر إلى محبتهم وموافقتهم ولأن ديننا ولله الحمد أغنانا الله به بما شرعه فيه من مصالح الدنيا والدين بحيث لا نحتاج معه إلى أن نستورد معه أعمال الكفار وعاداتهم الخاصة بهم لنتعزى بديننا ونتميز به عن غيرنا قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فكيف لأمة هي خير أمة أخرجت للناس يكون من أفرادها من تنكر لهذه الخيرية ويستورد من عبادات الكفار وأعمالهم ما يدل على أن ديننا بحاجة إلى أن يكمل من دين الكفار وعاداتهم أو ما يسبب مودتهم ومحبتهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh dit que on a déjà expliqué plusieurs fois que l'obligation, c'est de contredire les non-musulmans dans ce qui fait partie de leur tradition, dans ce qui fait partie de leurs adorations. Hein, de contredire les non-musulmans dans ce qui fait partie de leurs adorations. De même que de ce qui fait partie de leurs traditions qui leur sont spécifiques et particulières. Car l'imitation des koufars amène à les aimer et à être en accord avec eux. Et il dit, et parce que notre religion, par la grâce d'Allah, elle fait en sorte qu'on peut se passer. Allah, il nous a donné ce qui nous suffit. dans notre religion, donc on n'a pas besoin d'emprunter quoi que ce soit aux autres pour la compléter. Donc, parce que Allah nous a légiféré des affaires de la vie d'ici-bas et des affaires de la religion, ça nous suffit. Et donc, on n'a pas besoin de ramener ou d'introduire quoi que ce soit des œuvres des kuffars ou de leurs traductions qui leur sont particulières pour qu'on soit fier de notre religion et qu'on se distingue des autres. Parce que si des gens, si des musulmans commencent à imiter les kuffars et commencent à faire la même chose que eux dans leurs affaires personnelles, dans leurs affaires religieuses, et on commence à les imiter, on perd notre identité, on perd notre particularité, on perd ce qui nous distingue. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on se fond avec les autres, et ça veut dire que par la suite on ne pourra plus distinguer entre le musulman et le non-musulman, et donc on perd notre fierté en même temps et notre particularité. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 110 dans sourate Al-Imran, vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit, comment dans ce cas-là, si on est la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, que des individus dans cette nation renient ce bien-là qui est présent dans la Ummah et commencent à importer des adorations des kuffars et des œuvres des kuffars, ce qui donne l'impression ou qui indiquerait que notre religion aurait besoin d'être complétée par la religion des kuffars et par leurs traditions, ou par quelque chose qui ferait en sorte qu'on développerait pour eux de l'amour et de l'amitié. Donc il dit dans ce cas-là, il dit donc « La hawla wa la quwwata illa billah ». Ensuite il dit « Wa mithlu hadha kathirun al-an kama huwa wadihun wa mushahad fala yakhlu fi dhawqi kathirin min al-nas illa ما كان مستوردا من عادات الكفار وتقاليدهم حتى في اللغة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. حتى في اللغة وفي اللباس. فنرى الرجال والنساء يتزينون بزي الكفار في أبدانهم وفي ملابسهم وفي كلامهم وفي هيئة الأكل وهيئة الشرب وفي الدعوات والولائم التي تقام حتى في التحية عند اللقاء وغير ذلك من الأمور التي هي ليست من ديننا ولا مما شرع لنا مما يدل على أن أكثر الناس لا يحلو في ذوقهم إلا ما كان من الكفار. وهذا فيه استشعار بالنقص للضعف الذي في نفوسهم لأنهم لم يدركوا قوة الإسلام ولا عزته ولا التشرف به ولم يدركوا هذا وإنما يرون الكمال إنما يكون بتقليد الكفار ولذلك هم يتشبهون بهم فينبغي أو يجب التنبه لهذا الأمر لأن استجلاب هذه الأمور من الكفار من شأنه أن يغير من دين الإسلام ويقلل من شأنه ويولد الاعتقاد بأنه ناقص وهذا أمر خطير جدا. Donc le cheikh il dit maintenant que c'est ce qu'on voit dans beaucoup de cas aujourd'hui, c'est des choses dont on est témoin et qui sont apparentes et claires. Donc il dit que pour beaucoup d'entre les gens, y a leur goût c'est uniquement pour qu'est-ce qui est importé des traditions des kuffars et de l'imitation des kuffars. Il dit même dans la langue, dans le langage, façon de parler, façon de s'exprimer. Les musulmans dans les pays arabes, dans les pays non arabes, les pays musulmans non arabes et arabes, tu vois beaucoup de musulmans essayer d'imiter les kuffars, parler dans leur langue pour se montrer, ou bien parce qu'ils pensent que dans le fait de parler dans ces langues-là, il y a un prestige. Et même que c'est arrivé dans certains pays musulmans au point où ils ont tellement été influencés par ces langues étrangères qu'ils ont même, ils pensent dans cette langue-là, hein, dans la langue des koufars. Donc, ça a même affecté leur personnalité, leur mentalité, leur façon de penser même. Hein. Dans certains pays même, une grosse partie de leur langage et de leur vocabulaire est mélangée avec des langues étrangères, des langues non arabes. Par exemple, tu trouves dans certains pays qui ont été colonisés par d'autres puissances occidentales ou européennes, tu trouves chez eux plein de mots. Parfois, tu vois que dans une phrase que quelqu'un va dire, dans cette phrase-là, peut-être il y aura deux ou trois mots français ou anglais. Hein? Et même que parfois, on conjugue des verbes français en arabe, ou bien on arabise le français, ou bien c'est-à-dire on incorpore dans le français beaucoup, dans l'arabe beaucoup de français. Et donc ça c'est un problème. Hein. Et exemple aussi de ça également, parce que il faut comprendre que les colonisateurs, ils ont eu un rôle à jouer dans ça, parce que beaucoup de pays musulmans ont été colonisés par des puissances européennes et ils ont parfois même été très agressifs, hein, pour essayer de vouloir assimiler les peuples musulmans. Et on a vu par exemple en particulier en Algérie où les Français sont restés presque 132 ans je crois, eh bien ils ont même interdit à un certain moment donné la langue arabe. Hein? Ils ont même à un certain moment donné interdit la langue arabe. Maintenant ils sont en train de faire une grosse histoire avec le fait de vouloir rendre ou de vouloir enseigner l'arabe à l'école, alors que ça fait partie du minimum de qu'est-ce qu'on devrait faire pour au moins permettre aux musulmans et aux arabes qui sont en France de pouvoir justement connaître mieux leur arabe, leur langue et leur culture, c'est leur langue. Hein? Donc, subhanallah, c'est parce qu'il y a un mépris. Hein. Je me rappelle même au début quand j'utilisais, au début quand Google il a commencé, là, il n'y avait pas de Google arabe, il n'y avait que des Google des pays, des langues européennes, ou même des langues asiatiques, chinoises et tout, on trouvait, mais on ne trouvait pas en arabe. Et aussi, par exemple, dans les téléphones, il y avait des langues, beaucoup de langues asiatiques, mais il n'y avait pas la langue arabe. J'étais dans le métro à Paris il y a quelques années, et puis j'écoutais les messages de sécurité d'information pour les gens qui sont dans le métro. Il y avait des messages en différentes langues, et des langues européennes et même la langue chinoise. Donc j'ai dit, subhanallah, ils font des messages même en chinois, mais ils vont pas faire au moins un message en arabe, alors qu'il y a plus d'arabes que de chinois en France. Donc tout ça, c'était, je me disais en moi-même, yani, subhanallah, d'où est-ce que vient ce mépris-là à un point tel que dans leur pays, dans les pays musulmans comme l'Algérie, on a interdit la langue arabe aux musulmans, hein, parce que le but c'était de les éloigner du Coran, de les éloigner de l'islam. Et ils ont compris que un des moyens d'y arriver, c'est de les éloigner de leur langue. D'accord. Donc maintenant, hein, quand ils ont essayé de par tous les moyens d'interdire la langue arabe, maintenant, subhanallah, ils vont même, une fois que les musulmans qui sont dans leur pays, essayer de les encore plus de les assimiler et de les empêcher d'apprendre leur langue. Et maintenant ils disent, ouais, mais on veut pas que ce soit des islamistes qui enseignent l'arabe. Donc si on va enseigner l'arabe, mais on veut que ce soit des laïcs comme nous, des athées, des non religieux, des gens qui vont leur enseigner les valeurs de la République mécréante athée. Hein? Parce que cette République-là, elle n'est pas musulmane, elle n'est pas croyante. Hein? Donc ils veulent pas que les musulmans aient une fierté dans leur religion et que qu'ils se sentent rattachés à leur islam. Donc ça c'est juste par rapport à la langue, hein, ça a un grand impact. Et ensuite après ça, le cheikh il a mentionné comme exemple dans les vêtements aussi. Et dans les vêtements, ça on peut donner aussi beaucoup d'exemples. Les vêtements des femmes, comment les femmes s'habillent, les vêtements des hommes, comment ils veulent à tout prix essayer d'imiter les koufars. Dans certains pays, ils veulent même suivre la mode. Hein? Il n'y a pas de... Quelqu'un doit s'habiller, il n'y a pas le choix, on va s'habiller. Et tu vas porter des vêtements, l'important c'est que c'est des vêtements qui soient en accord avec la charia. Ils couvrent bien le corps et puis ils ne sont pas des vêtements qui démontrent, qui exhibent les formes du corps et des choses de ce genre. Et il y en a du moment que ça respecte les règles, mais il y en a qui, non, au contraire, ils veulent absolument prendre les vêtements des koufars qui sont en contradiction avec l'islam, des vêtements qui sont très serrés, des vêtements qui sont très, qui sont parfois moulants ou transparents, ou bien des vêtements qui sont d'une mode particulière, qui appartient à des modes des koufars qui sont spécifiques aux koufars, hein. Donc, ou bien des vêtements avec des écritures dessus ou des signes, des dessins, des choses comme ça qui sont interdites ou bien qu'il y a des choses mauvaises dessus ou des images. Donc ça c'est des exemples. Et après il dit fanar al-rijal wa an-nisa yatazayyad. Donc on dit on voit les hommes et les femmes qui prennent la mode des koufars et qui s'habillent comme eux. Vous savez que chez les koufars, il y a toutes sortes de modes. Hein? Et en général, les modes sont reliés avec aussi les philosophies, hein? Les mentalités. C'est relié aussi même aux croyances. Parfois, c'est relié à la musique, des styles de musique que les gens écoutent. Parce que ces musiques-là, parfois, sont reliées aussi à des modes de pensée, à des modes de vie. Hein, la musique, il y a musique rock, musique rap, musique hip-hop, hein, reggae. Chacun, ils ont leur style de s'habiller, tu vois. Et puis quand tu vois que des musulmans, ils commencent à être influencés par ces styles-là, eh bien, ils commencent à imiter ces koufars dans ces styles, dans ces modes-là qui sont spécifiques aux koufars, qui sont particulières aux koufars. Là, il y a un problème, hein, parce que ça aussi, c'est interdit. Et allez, je me rappelle une fois j'étais à Mecca, je vois des petits jeunes là, saoudiens. Tu vois des petits jeunes saoudiens, yani, subhanallah, qui sont habitués, parce que eux ils ont un habit traditionnel, que tous les saoudiens s'habillent presque pareil, en général. Et ben, tu vois des petits jeunes avec les casquettes, et puis les vêtements avec des marques, hein. Ils veulent absolument que ce soit certaines marques spécifiques qui sont, à la mode, hein, ça aussi un truc des marques aussi là, qui est très connu chez les koufars. Tu vas payer un manteau ou bien un veston ou une chemise, s'il n'y avait pas le nom dessus, elle coûterait peut-être un moitié prix ou même moins que ça, mais juste parce qu'on a rajouté dessus le nom de cette marque, tout d'un coup le vêtement il a pris une valeur supplémentaire ou plus, hein, elle vaut plus. Et donc il y a des gens comme ça, j'ai rencontré des jeunes musulmans, et en espérant Allah, ils voulaient tout le temps porter des grosses marques qui sont connues chez les vêtements des koufars, hein, comment ils portaient des marques Polo, des marques Vuarnet, le crocodile, Lacoste, il y a des marques italiennes, des choses comme ça, Gucci ou je sais pas quoi. Yani, subhanallah, pourquoi tu vas te casser la tête pour essayer de porter des marques de gens comme ça qui sont yani, des koufars, des gens. Il n'y a aucune fierté de porter leur nom sur tes vêtements. Là. Toi, tu insistes à les acheter et tu vas payer plus cher pour rien. Donc ça c'est un exemple. Après, le cheikh, il parle aussi de la, bon, la façon de parler, la façon de manger même, la façon de boire, les fêtes, les invitations, quand ils font des célébrations, par exemple, pour un mariage, ou bien pour la naissance d'un enfant, ou des choses comme ça. La façon de se saluer lorsqu'on se rencontre, c'est influencé aussi par les kuffars, hein. Et d'autres choses également qui ne font pas partie de notre religion et qui ne nous ont pas été légiférées. Il dit, et ça indique que beaucoup de gens, ils n'ont pas de goût que pour ce qui vient des kuffars. Et il dit que ça, c'est quelque chose qui est une qui fait ressentir. Il y a dans ça le fait de ressentir un manque ou une faiblesse, une faiblesse dans notre personnalité, une faiblesse, comme on dit, c'est comment on appelle ça, il y a un terme là qu'on emploie pour décrire ça, c'est comme un complexe d'infériorité, hein. Comme un genre de complexe d'infériorité. C'est parce que beaucoup de musulmans, ils se voient inférieurs face aux kuffars. Et ils pensent qu'en s'habillant comme eux, ils deviennent à leur niveau. Ils gagnent quelque chose en s'habillant comme eux. Donc, s'ils ne vont pas s'habiller comme eux, ils vont dire, ah, mais on va avoir l'air inférieur, hein. Hein? Oui, comme faible, hein? Eh ben, il y a déjà, je me rappelle, j'ai rencontré des jeunes musulmans une fois, ils m'ont dit, mais pourquoi tu t'habilles pas normal? Hein? Non, c'est, si je voulais m'habiller comme les kuffars, m'habiller à l'occidental, acheter des vêtements, je pourrais. Je peux aller au magasin, m'acheter des vêtements comme eux, mais je veux pas. J'ai choisi volontairement de me distinguer d'eux, hein? Pour que lorsque je marche dans la rue, quand ils me voient, ils sachent que je suis pas des leurs, hein. Quand ils me voient habillé comme ça, ils disent, lui, il est pas des nôtres, hein. Il est pas un d'entre nous. Il est pas chrétien, il est pas juif, ça c'est certain. Il est pas athée comme nous. Il a sa religion, il est musulman. Ils le savent tout de suite quand ils te voient. Parce que tu t'habilles différemment d'eux, hein. Et ça c'est quelque chose que j'ai choisi depuis longtemps. Et j'ai remarqué que l'attitude des gens vis-à-vis de ça, c'est comme il y a beaucoup de gens qui supportent pas le regard des gens, comme s'ils se sentent agressés quand on les regarde, ou qui aiment pas que des gens les observent parce qu'ils sont différents. Mais tu peux pas t'habiller différemment puis que tu vas pas, que les gens vont pas te regarder étrangement, à moins qu'ils deviennent habitués à te voir. Et puis ça, c'est le cas effectivement. Quand ils te voient peut-être pour la première fois habillé comme ça, ça les choque au début, mais quand ils te voient pendant 5 ans, tu portes les mêmes vêtements tous les jours, ils te voient passer à chaque fois, mais ils vont pas continuer à chaque fois de te regarder de cette façon-là. Ils commencent à être habitués. C'est comme la femme qui porte le djilbab, qui porte le niqab. Peut-être que quand elle voit ça pour la première fois, la femme là dans la rue, elle voit passer cette femme là, elle est choquée. Elle regarde ça, elle dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Hein? Mais si elle la voit pendant 10 ans comme ça passer tous les jours, après un certain temps, ça devient comme normal. Elle va dire, ah, mais ça, c'est sa façon de s'habiller, c'est sa religion, hein. Et puis, ça y est, ça devient normal, hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre l'habitude de s'habiller d'une façon qui nous distingue des non-musulmans, pour que, justement, ils sachent qu'il y a une différence. Et j'ai remarqué que ça coupe beaucoup les dépassements, parfois. Même certaines fois, quand les gens ils te voient comme ça, différents, ils vont pas passer certaines barrières dans le respect, tu vois. Et même les femmes, tu vois, si tu t'habilles comme ça, peut-être que, en même temps, elles vont pas venir vers toi pour te parler, pour venir t'adresser la parole, pour, hein. Oui, parce qu'elle voit, elle dit, ah, lui, il n'est pas comme les autres hommes. Il est habillé différemment. Ils vont savoir que elle peut pas venir te draguer ou venir te faire des avances ou t'essayer de te séduire comme ça, parce que toi, t'es pas dans cette affaire-là, tu vois. Tandis que si tu essaies de t'habiller d'une façon pour essayer justement, parce que beaucoup d'hommes ils s'habillent pour séduire les femmes, même s'ils le disent pas, et beaucoup de femmes elles s'habillent pour séduire les hommes, même si elles veulent pas l'avouer. Et la réalité c'est ça. Les hommes ils vont dans la rue, ils veulent plaire aux femmes, et les femmes elles veulent plaire aux hommes, alors elles s'habillent de cette façon-là. Mais quand tu t'habilles d'une façon neutre, hein, là dans ce cas-là, yani, ça coupe court à ces choses-là. Hein, ça court à ces choses-là. Moi, si je vais dans la rue, je ne vais pas aller pour séduire les femmes. Moi, j'ai ma femme, et si j'étais célibataire, ce n'est pas pour trouver une femme dans la rue. Hein? Si je vais me marier, je vais prendre les moyens islamiques pour trouver une femme. Je ne vais pas aller courir après une femme dans la rue pour essayer de séduire une femme. Ce n'est pas comme ça dans l'islam. Donc ça, c'est important. Mais il y a des jeunes comme ça, il y a des gens comme ça. Ils veulent se marier, par exemple. Ils ne savent pas comment trouver une femme selon les règles de la religion, alors il dit, moi je vais me mettre bien, je vais me mettre beau, hein, je vais m'habiller d'une façon à la mode. Même il y en a qui ont, il y avait une barbe, ils l'ont rasée pour dire, parce que si je veux trouver une fille, si je veux attirer une fille, puis qu'elle me voit barbu, elle va dire, lui c'est un religieux, je ne vais pas me marier avec lui, il est trop dur ou des choses comme ça. Donc il se rase la barbe, hein. Et donc, quand il se marie, après, il dit à la fille, ben là, je veux que tu te voiles, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça. Mais là, la fille, elle dit, mais comment ça se fait que lui, il est, hein, comme ça, puis il a pas de barbe? Parce qu'il a caché, il a rasé sa barbe juste pour attirer la fille, mais après, là, il veut commencer à laisser pousser sa barbe. J'ai vu un gars comme ça une fois. Subhanallah, j'étais tellement surpris. C'est quelqu'un qui, avait toujours rasé. Mais le moment qu'il s'est marié, tout de suite, il a sorti une vraie barbe là, vraiment, hein, fournie. Alors j'étais surpris, j'ai dit, mais subhanallah, pourquoi tu t'es pas laissé pousser ta barbe depuis avant, hein? Parce qu'il dit, non, parce que les femmes, elles vont avoir peur si tu laisses pousser la barbe. J'ai dit, mais subhanallah. Tu fais la barbe pour Allah et tu mets ta confiance en Allah. Allah il va te donner une femme. Mais si tu veux essayer de faire ça comme ça, ça fait pas sérieux quand même, hein. C'est comme certains qui vont aller chercher des femmes dans les discothèques ou bien dans les bars ou des choses comme ça. Comment tu vas trouver une femme comme ça, hein? C'est pas dans ces lieux-là qu'on trouve une bonne femme, hein. Donc tout ça c'est pour dire, mais il y en a qui pensent comme ça, ah je vais la changer, ou bien la femme elle dit, ah je vais le changer. Non, tu trouves la personne qui est déjà changée avant le mariage. Après ça, comme ça tu vas vivre une vie, tu sais déjà avec qui tu es. Mais là tu joues à des jeux comme ça, là c'est pas comme ça dans l'islam. Donc ça fait aussi partie des exemples de mode de vie qu'on a adopté des koufars, cette mentalité là. De comment, même comment penser le mariage, comment penser à trouver l'âme sœur, comme on dit. Hein. On a même perdu les règles de l'islam sur ces questions-là. Beaucoup de musulmans, ils vont suivre la technique ou le mode de vie des koufars pour trouver une femme, ou une femme pour trouver un mari, ou pour trouver un homme. C'est pas par les voies islamiques, c'est par les méthodes des koufars, comment les koufars ils font. Hein? Il faut qu'il trouve une copine, il faut qu'il la fréquente pendant un nombre de temps, après qu'ils se connaissent, après quelques temps, bon là ils vont se fiancer, après ça ils vont présenter aux parents, après. Et ça c'est les koufars qui font comme ça. Hein? Nous dans l'islam on fait pas ça de cette façon-là. Hein? Donc bon, ça c'est un exemple aussi. Donc le cheikh il dit, les gens qui agissent comme ça, ils ont pas compris la force de l'islam, la puissance, la fierté de l'islam, l'honneur de l'islam. Ils n'ont pas compris ces choses-là. Et ils pensent que la perfection est seulement dans l'imitation des kuffars et dans le fait de vouloir leur ressembler. Donc le cheikh, il dit, il est obligatoire de faire comprendre et de mentionner l'importance de rappeler aux gens cette question-là. Hein? Et que lorsque on essaie de tout ramener nos affaires des koufars, le résultat c'est qu'à la longue, c'est l'islam qui change. Hein? Et ça diminue de la valeur et de l'importance de cette religion si on commence à imiter et à vouloir tout prendre des koufars. Et ça donne la croyance, et à la longue ça devient une conviction chez les gens, que l'islam il est déficient, il y a quelque chose qui manque dedans. Et ça c'est une chose qui est extrêmement dangereuse. Hein. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera demain, Inch'Allah, ou lundi prochain pour ce cours-ci. Inch'Allah, donc on est rendu là, donc le cours 111, au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a presque fini ce chapitre là. Le chapitre suivant c'est on rentre dans un autre aspect. Le cheikh il va mentionner l'ordre de contredire les shayatins. On va mentionner l'exemple de l'ordre de ne pas imiter le shaytan. Donc après avoir mentionné les paroles des l'ijma' des salaf, après les paroles des quatre a'immas, les imams des madahib, après les fuqaha, là maintenant il va mentionner, il rentre dans un autre exemple, un autre sujet après, inshallah. Donc on va continuer ça au prochain cours. Subhanakallah wa bihamdika. J'ai fait la conclusion.